Ok. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui un nouveau livre. Je pense qu'il y a quelques années, j'avais commencé un charh de Riyad al-Salihin, mais je pense qu'on n'avait pas continué. Donc... J'ai décidé de le reprendre, surtout maintenant que c'est des hadiths qui sont très importants et c'est un recueil de hadiths qui est reconnu, qui est connu par les ulama. C'est vrai que certains parmi les mashayikh ont expliqué que il y a dedans quelques hadiths qui ne sont pas authentiques, mais c'est vraiment un nombre qui est minime. Et alhamdulillah, avec le tahrij et le tahrir des ulama, c'est facile de les connaître et de les exposer, ces hadiths qui sont faibles. Alors c'est un livre qui a beaucoup de bienfaits et c'est recommandé d'essayer de le lire le plus souvent possible. Ce livre Riyad al-Salihin, écrit par l'imam an-Nawawi rahimahullah, qui est né en l'an 631 et qui est mort en l'an 676. Et donc, il fait partie des ulama de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et donc, il est bien de profiter de ce livre en particulier parce qu'il contient des hadiths sur différents chapitres qui sont extrêmement bénéfiques et utiles. Donc, on va commencer, Inch'Allah, avec le premier chapitre qui est Al-Ikhlas, Babu l'Ikhlas, la sincérité envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on va lire les versets. Le Cheikh, dans chaque... l'imam al-Nawawi, Mashallah, il a, dans chaque chapitre, il a mentionner des versets en premier qui se réfèrent au sujet. Puis, après avoir mentionné ces versets-là, il a mentionné des hadiths sur le même sujet. Et ce qui fait que c'est un livre vraiment bénéfique. Yani, mashallah, on en profite grandement. Hein? Et si vous n'avez pas ce livre-là, il faut yani, acheter-le parce que il n'y a pas une maison parmi les maisons des musulmans qui devrait être sans ce livre-là. Ce recueil de hadith est vraiment bénéfique. Et il y a beaucoup de traductions qui existent, même en ligne. Vous pouvez trouver des traductions de ce livre-là facilement, en PDF et dans différents formats. Et il y a les cours audio de Cheikh Ibn Uthaymeen aussi, qui sont disponibles, enregistrés, et les retranscriptions de ces cours-là qui sont maintenant publiées. Donc on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc aujourd'hui c'est le cours 1 dans l'explication de Riyad al-Salihin, le livre de l'imam al-Nawawi. Et on commence donc avec le chapitre 1 directement. Le Cheikh il dit Babu l'Ikhlas wa ihdaru an-niyyati fi jami' al-a'mal wa al-aqwal wa al-ahwal al-barizati wa al-khafiyya. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Donc ici inshallah je vais commencer juste par la traduction de ces trois versets que le cheikh a mentionné. Le premier verset c'est le verset 5 dans sourate Al-Bayyina. Et il n'avait été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur et en étant des hunafa, c'est-à-dire des gens qui penchent naturellement vers l'adoration exclusive d'Allah et qui rejettent tout ce qui est adoré en dehors de lui, hein, et qui établissent la salat et qui donnent la zakat. Et voilà la religion de la droiture. Le verset ensuite, c'est le verset 37 dans Sourate Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne par rapport à l'action que quelqu'un fait, en particulier ici le sacrifice. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, hein, par rapport à ce verset-là, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas sa chair ni son sang, hein, qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt c'est la piété de votre part. Et le verset 29 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie yani, si vous cachez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, alors Allah le sait. Allah sait, hein, ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et ça, c'est les trois versets. Le cheikh, il va commencer donc par expliquer ou faire l'explication de ces trois versets-là. Et une fois qu'il a fini de faire l'explication de ces trois versets-là, il va commencer à expliquer les hadiths qui sont rapportés à ce sujet-là. Le chapitre, c'est le chapitre de Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, ça veut dire la pureté. La pureté, la sincérité dans l'intention, dans toutes nos œuvres et dans nos paroles et dans nos états apparents et cachés. Il dit ensuite donc. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله باب الإخلاص قال المؤلف باب الإخلاص النية إخلاص النية يعني النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية، ذلك لأن النية محلها القلب، الله عز وجل يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى في الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله في جميع عباداته وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة وهذا هو الذي أمر الله به في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي مخلصين له العمل. Donc ici le cheikh, on va traduire cette partie-là. Il dit que le chapitre, l'auteur, il dit le chapitre au sujet de l'ikhlas, la pureté. Et il s'agit bien entendu de la pureté, de la sincérité dans l'intention. Il dit ensuite hein, que l'intention, sa place, c'est le cœur. Et l'intention, sa place, c'est le cœur. Et donc, il n'y a pas de place pour la langue dans toutes nos œuvres. De prononcer quoi que ce soit de cette intention-là lorsqu'on veut faire la salat, ou lorsqu'on veut faire le jeûne, ou lorsqu'on veut faire le hajj, ou lorsqu'on veut faire le wudu, ou n'importe quelle autre parmi les œuvres qu'on veut faire, on n'a pas à prononcer cette intention-là à haute voix avec la langue. Hein? Et quiconque, lorsqu'il fait une œuvre ou un acte, prononce à haute voix son intention, eh bien, il est en train de dire dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Donc, il est en train de faire une innovation dans ce cas-là. Et le cheikh, il explique ensuite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le wudu, hein, et il faisait la salat, et il donnait la sadaqa, et il faisait le jeûne, il faisait le hajj, et jamais il ne prononçait à haute voix son intention lorsqu'il faisait ces actions-là, parce que l'intention, sa place, c'est uniquement le cœur, et non la langue. Et le cheikh il dit ensuite que Allah Azza wa Jal, il sait tout ce qu'il y a dans le cœur et il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui est caché à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui est dans le cœur des serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset que le cheikh, que l'auteur a mentionné, hein, il dit ce qui signifie « Et si vous cachez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, eh bien Allah le sait. » Allah sait ce qu'il y a en vous. Et il faut donc obligatoirement que la personne purifie son intention pour qu'elle soit uniquement pour Allah dans toutes ses actions, dans toutes ses adorations, et de ne pas avoir l'intention de faire une adoration que pour le visage d'Allah et pour obtenir la demeure de l'au-delà. Et il dit le cheikh ensuite que cela, c'est ce que Allah a ordonné dans sa parole lorsqu'il dit dans le verset 5 dans Sourate Al-Bayyinah, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, en lui purifiant, hein, en purifiant pour lui leur culte et leur adoration, yani en étant des hunafa. On a expliqué que hunafa, c'est-à-dire celui qui penche, hein, vers l'unicité et l'adoration exclusive d'Allah et qui s'écarte naturellement du shirk et de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein, donc, et il dit, et qui établissent la salat et qui donnent la zakat, et voilà la religion de la droiture, c'est-à-dire de purifier dans notre intention les œuvres qu'on fait pour qu'elles soient uniquement pour Allah. Et il faut donc que dans toutes les œuvres et dans toutes les adorations qu'on fait, il faut avoir une intention présente. Et le cheikh, il dit, Fayanwi mathalan al-wudu wa annahu tawadda'a lillahi وأنه توضأ امتثالا لأمر الله. فهذه ثلاثة أمور: أولا النية، نية العبادة، ثانيا نية أن تكون لله، وثالثا نية أنه قام بها امتثالا لأمر الله. هذا أكمل شيء في النية، كذلك في الصلاة وفي كل العبادات. وذكر المؤلف عدة آيات كلها تدل على أن النية محلها القلب، وأن الله سبحانه عالم بنية العبد، ربما يعمل عملا يظهر أمام الناس أنه عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته النية، لأن الله عز وجل يعلم ما في القلب. Donc ici le cheikh il explique que la personne donc qui va faire son ablution, par exemple, elle fait son wudu, eh bien, elle fait son wudu, il faut qu'elle le fasse pour Allah, premièrement. Deuxièmement, qu'elle le fasse pour mettre en application le commandement d'Allah. Hein? Donc, premièrement, l'intention de faire le wudu. Deuxièmement, de le faire uniquement pour Allah. Et troisièmement, de le faire avec l'intention de mettre en application le commandement d'Allah. Donc ça, c'est trois choses que le cheikh a énumérées. Premièrement, l'intention de faire cette adoration-là. Deuxièmement, de faire en sorte que cette adoration-là soit uniquement pour Allah. Et troisièmement, de faire en sorte que on applique cette adoration-là pour mettre en pratique ce que Allah nous a ordonné de faire. Et il dit, et ça, c'est la chose la plus complète qui a rapport avec l'intention, il dit, et de même que dans la salade et dans toutes les adorations. Donc, ce n'est pas seulement dans le wudu, le cheikh il a mentionné le wudu ici, c'est juste comme exemple, mais ça s'applique également à la salade et à toutes les autres adorations que quelqu'un peut faire en islam. Et il dit, le cheikh ensuite, que l'auteur, il a énuméré donc plusieurs versets qui indiquent que l'intention à sa place uniquement dans le cœur, et que Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de l'intention du serviteur, et qu'il est possible que quelqu'un fasse une action, et que cette action-là devant les gens semble être une action qui est bonne, alors qu'en réalité elle a été corrompue et elle est mauvaise à cause de l'intention de la personne. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît, hein, ce qu'il y a dans les cœurs. Ensuite, le cheikh il dit, وَمَا يُجَازَ الْإِنسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Donc ici, le cheikh il explique que l'adoration, hein, que le serviteur fait, il va être uniquement récompensé au jour de la résurrection par rapport à cette action ou cette adoration-là, pour ce qu'il y a dans son cœur, hein, par rapport à cette adoration, il va être récompensé uniquement par rapport à ce qu'il y avait dans son cœur au sujet de cette adoration-là quand il l'a fait. Est-ce qu'il l'a fait pour Allah ou pour plaire à Allah ou pour autre chose? Et si c'était pour autre chose, il n'aura pas de récompense. Et il cite un verset pour indiquer qu'est-ce qu'il a dit et pour prouver ce qu'il a dit, le verset 8, les versets 8 à 10 dans sourate At-Tariq, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: Innahu ala raj'ihi laqadir. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire revenir, c'est-à-dire de le faire ressusciter. Yawma tubla as-sarair, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Et alors il n'aura ni force ni secoureur. Hein? Donc il dit le cheikh, Ey yawma. يوم تختبر السرائر البواطن. Donc, c'est-à-dire le jour, quand Allah dit يوم تبلى السرائر, c'est-à-dire le jour où seront éprouvés les secrets, hein, les choses qui sont cachées dans le cœur, c'est-à-dire les intentions des hommes. Hein, les intentions des hommes, c'est ça qui va être testé et c'est ça qui va être jugé. Parce que l'apparence, hein, en apparence, les choses peuvent être bonnes. Des fois, tu vois par exemple des koufars, ils font des dons de millions de dollars. Et on le voit maintenant. Hein. Ils font des dons de millions de dollars pour des causes ou pour des situations pour aider. Et tu dis, mais est-ce que qu'est-ce qu'ils font là? C'est pour quelle raison? Pour qui est-ce qu'ils font ça? Hein, parce que c'est des koufars. Hein. Donc peut-être qu'ils le font pour yani Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souvent, étant donné que c'est des mouchrikines, hein, ils le font pour d'autres que Allah. Ils ne le font pas pour Allah seulement. Donc, ils vont le faire pour Jésus, ou ils le font pour Marie, ou bien ils le font pour les saints, ou bien des trucs comme ça. Ils le font pour des idoles, ou ils le font pour leur fausse divinité. Ou bien ils le font pour l'ostentation. L'ostentation parce que, hein, ils veulent que les gens sachent qu'ils sont généreux, qu'ils donnent. Et aussi les gens qui vivent, parfois les gens qui sont riches, par exemple, ou qui sont des vedettes, ou qui ont beaucoup d'argent, ils se disent, bon, nous, on a notre richesse parce que on est devenu célèbre et on est devenu riche parce que les gens nous ont rendus riches en achetant. Hein, nos choses ou en écoutant nos œuvres et en faisant ce qu'on a créé. Donc, ils profitent de ça. Ils nous ont rendus riches. Donc, en donnant des dons, les gens vont voir qu'on est généreux et qu'on redonne de qu'est-ce qu'on a reçu. Donc, pour se faire aimer plus encore, ils font ça. Ou bien, parfois, ils vont donner parce qu'ils ont beaucoup d'impôts à payer. Et par le fait de donner, par exemple, à des organismes de charité, ça fait qu'ils ont des réductions d'impôts. Hein? Donc, ils donnent pas parce qu'ils veulent yani, plaire à Allah ou se rapprocher d'Allah, mais uniquement pour se libérer de devoir payer certaines taxes. Donc, toutes ces intentions-là, ce ne sont pas des intentions yani, valable. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va faire paraître, hein, ce qui était caché de ces choses-là. Et il dit, كقوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Hein? Donc ça c'est dans sourate Al-Adiyat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets: Hein? Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines? Donc ce qui est dans les poitrines va être divulgué. Donc le cheikh il dit: Fafil akhirati yakunu thawabu wal iqabu wal i'tibaru bima fil qulub bima fil qalb amma fid dunya fal 'ibratu bima dhahar. فيعامل الناس بظواهر أحوالهم، ولكن هذه الظواهر إن وافقت ما في البواطن صلح ظاهره وباطنه وسريرته وعلانيته، وإن خالفت وصار القلب منطويا على نية فاسدة فما أعظم خسارته. يعمل ويتعب ولا حظ له في العمل، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله الله أيها الإخوة بالإخلاص لله، واعلم أن الشيطان قد يأتيك بعد إرادة عمل الخير فيقول إنك تعمل هذا رياء. نعم، donc on va expliquer ça après. Le Cheikh il explique ici ensuite que donc il y a dans l'au-delà des jugements et une récompense ou un châtiment, mais ce qui sera pris en considération par rapport à ça dans l'au-delà, ce sera uniquement basé sur ce qu'il y avait dans le cœur de la personne, tandis que dans la dunya, eh bien, on se base uniquement sur ce qui est apparent et on agit avec les gens et on juge les gens selon ce qui est apparent de leurs états, c'est-à-dire ce qui nous est apparent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, il dit je n'ai pas été envoyé pour ouvrir les ventres des hommes ou ouvrir l'intérieur des hommes. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se base uniquement sur ce qu'il voit de ce que les gens font et sur ce qu'il entend de ce que les gens disent, et non pas sur ce qu'il sait de la réalité de leur situation ou de leur état. Même les munafiqines que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé leur identité. Il savait qui ils étaient exactement avec leur nom, mais malgré cette connaissance qu'il avait, il ne jugeait pas ou il n'agissait pas envers eux en se basant uniquement sur cette connaissance qu'il avait des hypocrites. Mais il agissait avec eux uniquement selon ce qui était évident et apparent de leurs actions et de leurs paroles. C'est ce qui signifie qu'en islam, on juge uniquement les gens selon leur apparence. En ce qui concerne leur intérieur, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger seulement. D'accord? Ça c'est extrêmement important à comprendre. Parce qu'il y a des gens parfois, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de juger une personne en essayant de rentrer dans ce qu'il peut y avoir dans son cœur. Mais ce n'est pas à nous de déterminer ou de savoir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. À moins qu'il y ait des indices qui nous indiquent que la personne en question, elle n'est pas sincère. Des indices dans ses paroles et dans ses actions. Mais si c'est uniquement de ses actions et qu'il n'y a rien qui indique quoi que ce soit d'un manque de sincérité quelconque, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de s'introduire dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos des hypocrites, wa la ta'rifannahum fi lahn al-qawl. Tu vas les reconnaître par leur façon de s'exprimer ou de parler. Leur parole, elle les trahit parfois. Donc tu peux savoir parfois quelqu'un lorsqu'il n'est pas sincère par la trahison de sa langue. Mais de façon générale, on se base uniquement sur l'apparence, c'est-à-dire ce qui est apparent de la personne par ses actions apparentes et ses paroles. Et le cheikh, il explique, il dit donc au jour de la résurrection, ce qui va compter, c'est uniquement le cœur et l'intention, tandis que dans cette vie d'ici-bas, on juge par qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. Et il dit par contre, si dans l'au-delà, ce qui est apparent est en accord avec ce qui était caché, alors dans ce cas-là, ce qui était extérieur et apparent sera bon, comme son intérieur ou ce qui était caché a été en accord avec ce qui était apparent et divulgué. Mais si ce qui était dans le cœur était en contradiction, et que la personne cachait en lui-même une intention qui était corrompue, alors comme sera mauvaise sa perte. Comme sera grande sa perte. Et il dit, une personne, elle se fatigue à faire des œuvres, et il n'aura pour ces œuvres-là aucune part de récompense. Pourquoi? Parce que ce n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, c'est un hadith qudsi, parole d'Allah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis parmi les partenaires celui qui n'a besoin d'aucun partenaire. Hein? Je n'ai aucune part dans quoi que ce soit de ce qui est donné aux partenaires avec moi. Hein? Celui qui fait une action dans laquelle il me donne un partenaire ou un associé, et dans lequel il me donne un associé, il associe avec moi autre que moi, alors dans ce cas-là, je l'abandonne lui, hein, je l'abandonne et je le laisse, ce qu'il a fait, pour celui avec qui il m'a associé. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si par exemple quelqu'un, quand il fait des œuvres, quand il fait des actions, il les fait pour Allah et pour quelqu'un d'autre que Allah en même temps. Donc il a attribué à Allah des partenaires dans son action. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith, hein, si vous me donnez des partenaires quand vous faites une action, et que vous faites cette action-là pour moi et pour d'autres partenaires avec moi en même temps, alors dans ce cas-là, sachez que moi, je suis celui qui n'a besoin d'aucun partenaire. Donc si vous faites une action et dans cette action vous avez associé quelqu'un d'autre que moi, hein, comme vous avez associé avec moi d'autres que moi comme partenaire, alors dans ce cas-là, sachez que cette action-là, je vous la laisse et je la laisse à celui pour qui vous m'avez avec qui vous m'avez hein, celui avec qui vous m'aviez associé. Donc Allah, il n'en veut pas. La seule chose que Allah veut de nos actions, c'est les actions qui ont été faites uniquement pour lui. Il n'accepte pas de partager quoi que ce soit avec quiconque. Si quelqu'un dans ses œuvres, il y avait du shirk ou il y avait un partenaire quelconque qui lui était associé, eh bien, il dit, cette action-là que vous avez faite pour moi et quelqu'un d'autre, alors je la laisse à l'autre. Moi, je n'en veux pas. Je veux seulement ce qui est fait purement et uniquement pour moi seul. Alors le cheikh, il dit, alors craignez Allah, ô mes frères, hein, en ce qui concerne la pureté dans vos intentions pour qu'elles soient uniquement pour Allah. Et il dit, wa'lam anna ash-shaytan qad ya'tika inda iradati 'amali al-khayr fayaqulu innaka ta'malu hadha riya'an fayuhbitu hammatak همتك ويثبطها ولكن لا تلتفت إلى هذا ولا تطعه بل اعمل لأنك لو سئلت هل أنت الآن تعمل هذا رياء وسمعة قلت لا إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك لا تلتفت له. Donc le cheikh, il explique ensuite, il dit que le shaitan, il dit, sache que le shaitan, il peut venir vers toi parfois et te mettre des doutes dans ce que tu veux dans tes œuvres comme intention. C'est-à-dire, il vient te faire mettre des idées fausses dans ton cœur par rapport à tes œuvres. Et il vient te faire croire que tu fais des choses par ostentation. Donc, il vient vers toi, puis il te dit, ah, ça, ce que tu fais là, tu le fais pour ostentation, pour te montrer. Alors qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il est en train d'essayer de te décourager, hein, de faire des bonnes œuvres et de te ralentir dans ton intention et dans ton élan de faire du bien. Alors toi, tu dis, ah, puisque le shaitan, il me suggère que je suis en train de faire du riya, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que j'arrête de faire cette action-là. Et le cheikh, il dit, il ne faut pas que tu portes attention à ça. Et il ne faut pas que tu obéisses au shaitan dans ça. Si tu délaisses le fait d'accomplir des bonnes œuvres par peur de faire du riya, alors les ulama, ils ont dit, ça rentre dans le riya aussi. Donc ça veut dire que si le shaitan, il te vient, hein, et il te dit, ah, tu fais du riya, laisse tomber cette action parce que tu es en train de faire du riya. Hein, le cheikh, il dit, si on te demandait la question, est-ce que toi tu fais ça pour te faire voir ou pour te faire entendre, tu dirais non. Mais le shaitan, il vient te mettre ces idées-là dans la tête et dans le cœur pour te détourner du bien. Alors ne lui donne pas aucune importance, hein, et ne laisse pas le shaitan entrer dans ton cœur avec ses suggestions qui ont pour but de te décourager de faire le bien. D'accord? Ça, c'est très, très important aussi. Non. Ensuite, le cheikh, il commence donc à mentionner le premier hadith. Le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Et il dit, et c'est le hadith, vous le connaissez tous, « An Abi Huray, An Amir al-Mu'minin, Abi Hafsin, Omar ibn Khattab, Ibn Nufayl, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdillah, Ibn Qurt, Ibn Razah, Ibn Adi, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi, radiyallahu anhu, قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزباه الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Donc ici le cheikh il mentionne ce hadith qui est le hadith de Innama al-Amal ibn Niyad, qui est rapporté par Amir al-Mu'minin. Et il mentionne sa kunya qui est Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab. Et il a mentionné aussi sa généalogie. Ibn Nufayl, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdillah, Ibn Qurt, Ibn Razah, Ibn Adi, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Al-Qurashi, Al-Adawi. Radiyallahu anhu. Donc ça c'est toute sa ses descendances. Donc c'est son père Al-Khattab, son grand-père Nufayl, son arrière-grand-père Abdul Uzza, son arrière-arrière-grand-père Riyah et son arrière-arrière-arrière-grand-père et ainsi de suite. Il recule assez loin comme ça. Et il dit Radiyallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les œuvres ne valent que selon leurs intentions et une personne ne recevra, hein, n'aura que selon ce qu'il a eu comme intention. » Alors, celui qui avait fait sa hijra pour Allah et pour son messager, alors sa hijra sera comptée comme étant pour Allah et pour son messager. Tandis que celui qui a fait sa hijra pour la dunya, ou bien pour une femme qu'il voulait épouser, alors il aura la récompense, hein, de sa hijra pour la chose pour laquelle il a fait la hijra. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les savants sont tous d'accord sur son authenticité, puisque c'est le degré le plus élevé de l'authenticité, c'est le hadith qui est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui sont les deux grands imams, les savants hadith. Et le premier, c'est l'imam Al-Bukhari. Et il mentionne son nom au complet avec sa kunya, Abu Abdillah. Donc l'imam Al-Bukhari, son nom c'est Muhammad ibn Ismail. Hein, sa kunya c'est Abu Abdillah. Donc son nom c'est Muhammad, fils de Ismail, fils de Ibrahim, fils de Al-Mughira, fils de Bardizbah. Bardizbah, c'était, hein, c'était son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Parce que son père s'appelait Ismail, son grand-père s'appelait Ibrahim, son arrière-grand-père s'appelait Al-Mughira, et c'est son arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Bardizbah. Et il est Al-Ju'fi Al-Bukhari. Et son Al-Bukhari, parce qu'il vient d'une ville qui s'appelle Bukhara. Hein? Bukhara, qui est une ville dans le sud de l'ex-URSS, une des provinces dans l'Ouzbékistan ou le Kazakhstan, des régions dans ce coin-là. Hein? C'est une région qui s'appelle, une ville qui s'appelait Bukhara. Et en ce qui concerne le deuxième parmi les grands imams, le deuxième qui a écrit le Sahih, c'est l'imam Muslim. Sa kunya, c'est Abul Hussein. Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim. Donc, Muslim, son nom c'est Muslim. Son père s'appelait Al-Hajjaj. Et son grand-père s'appelait Muslim aussi. Al-Qushayriyu al-Naysaburiyu. Al-Naysabur. Naysabur, c'est une ville hein, en Perse, hein, en Iran aujourd'hui. Et on l'appelle Al-Naysaburi parce que c'était son origine. Radiyallahu anhuma. Et ils ont tous les deux rapporté le hadith en question dans leurs sahih respectifs, qui sont les deux livres les plus authentiques qui ont été écrits en islam après hein, après la parole d'Allah, le Coran. Et c'est donc une référence. Hein, c'est des hadiths authentiques. Si tu prends de Al-Bukhari et Muslim, tu peux boire hein, sans aucune crainte. Il n'y a pas de daïf, il n'y a pas de. Hein, il n'y a pas de moudou, il n'y a pas de fabrication, rien. Tout est authentique dans ces deux livres-là. Tu peux prendre sans aucune crainte. Et le cheikh, il commence donc l'explication de ce hadith. Et l'explication de ce hadith, le cheikh Ibn Uthaymeen, il en a expliqué des points vraiment importants. Donc il commence en disant لما كان هذا الباب في الإخلاص hein? في الإخلاص لله وأنه ينبغي أن تكون النية المخلصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال وذكر المؤلف من الآيات ما يتعلق بهذا المعنى ذكر رحمه الله من الأحاديث ما يتعلق به أيضا وصدر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم donc le cheikh explique que étant donné que c'est le chapitre qui parle de la pureté d'intention pour Allah eh bien il faut que l'intention soit pure lorsqu'on fait une action dans toutes nos actions dans toutes nos paroles dans toutes nos Hein, dans tous nos états, il faut que ce qu'on fasse soit fait avec pureté d'intention pour Allah seul. Et dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Et c'est pour ça que l'auteur, il a rapporté donc dans ce chapitre ce qui a un lien avec cette signification-là. Et par conséquent, il a mentionné des hadiths qui sont reliés à ça aussi. Non seulement il a mentionné des versets à ce sujet, mais aussi il a mentionné, bien entendu, des hadiths. Et il a débuté hein, le livre par le hadith de Omar ibn al-Khattab, celui dans lequel il dit qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « Les œuvres ne valent que selon leurs intentions et chacun n'aura que pour ce qu'il a eu comme intention pour ses actions. » Et il dit هاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما فقال بعض العلماء إنهما جملتان بمعنى واحد وأن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى Donc, il dit, premièrement, il faut savoir que les savants ont divergé dans leur compréhension et dans leur explication de ce hadith-là, en particulier de ces deux premières phrases. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que les deux phrases ont la même signification et que la deuxième est juste une confirmation de la première, ou bien est-ce qu'elles ont chacune une signification particulière? Ça, c'est un point important. Hein? Ça, c'est une question importante. Innamal a'malu binniyat. Les œuvres ne valent que par leurs intentions. Wa innamal li kulli imri'in ma nawa. Hein? Et chaque personne, hein, il aura uniquement selon ce qu'il avait comme intention. Est-ce que les deux ont la même signification ou est-ce que elles ont des significations différentes? Et que la deuxième phrase est une confirmation de la première. Et le cheikh, il dit, hein, ça c'est une opinion parmi les opinions des ulama. Certains d'entre eux, ils ont expliqué ça de cette façon-là. Ils ont dit les deux phrases ça ont le même sens, sauf que la deuxième est là pour confirmer la première. Mais il y a d'autres savants qui ont donné une autre explication à cela. Et ils ont dit, ولكن هذا ليس بصحيح. وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا تأكيدا. ثم إنها عند التأمل يتبين أن بينهما فرقا عظيما. فالأولى سبب والثانية نتيجة. ها؟ الأولى سبب يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لابد فيه من نية. كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من نية. ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنية. وهو عاقل مختار فلا نعم إلا بنية. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وهذا صحيح. كيف تعمل وأنت عاقل في عقلك وأنت مختار غير مكره عملا بلا نية؟ هذا مستحيل، لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية. إذن فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما. هذا مستحيل، لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية. فإذا فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا بعيدا كما بين السماء والأرض. من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخص شيء وأدنى شيء. نسأل الله العافية. Okay, on va traduire ça. C'est très intéressant. Le cheikh, il dit donc que certains ulama ont dit les deux phrases, elles ont la même signification. La deuxième vient uniquement confirmer ce que dit la première. D'autres savants ont dit non. Il dit mais par contre ça c'est pas correct, c'est faux. Il dit pourquoi? Parce que à la base la parole elle vient comme pour fonder quelque chose et non pas pour confirmer quelque chose. Hein, pour établir quelque chose et non pas pour confirmer quelque chose. Il dit, parce que lorsqu'on médite et on réfléchit comme il faut sur les deux premières phrases, on voit clairement qu'il y a entre les deux phrases une grande différence. La première phrase, c'est la cause, et la deuxième, en réalité, c'est le résultat. Donc, il dit, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par la cause et le résultat, et c'est ça qu'il explique maintenant. Il dit, premièrement, hein? La première phrase explique la cause. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, la cause? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous expliquer dans cette phrase-là, innama al-a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire les œuvres, elles sont uniquement selon leurs intentions. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une action excepté qu'elle aura toujours une intention. Ce n'est pas possible pour un être humain, une personne intelligente, une personne qui a une volonté de faire quelque chose ou une chose quelconque sans avoir une intention derrière. Hein? C'est pas possible pour une personne intelligente et qui est libre et qui a un choix, qui fait quelque chose de façon volontaire, de faire un acte sans que cet acte-là ait une intention derrière. Même que certains ulama ont dit que si Allah nous avait imposer ou ordonner de faire un acte et de ne pas avoir d'intention pour cet acte-là, eh bien, cela aurait été un ordre qui ne peut pas être... yani, c'est comme s'il nous aurait ordonné de faire quelque chose qui n'est pas possible, hein, qu'on n'est pas capable de faire. Parce que tous les êtres humains, peu importe qu'est-ce qu'ils font, il y a toujours une intention derrière leurs actions. Derrière leurs paroles, il y a toujours une intention derrière. Celui qui fait quelque chose sans intention, eh bien, soit qu'il est malade ou qu'il est fou. Hein? Il n'y a personne qui fait quelque chose sans raison. hein, ou sans intention. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que ça, c'est quelque chose qui est vrai. Hein? Donc, comment pourrais-tu, toi, faire une action intelligente alors que tu es intelligent? Comment pourrais-tu faire une action alors que tu as toute ta raison et que tu fais les choses volontairement, tu n'as pas été contraint à faire qu'est-ce que tu fais sans intention? Il dit, ça, c'est pas possible, c'est impossible, il dit, moustahil. Il dit, parce que une action, elle est toujours le résultat d'une volonté et d'une capacité. Et la volonté, c'est l'intention. Il dit donc, la première phrase, sa signification, c'est pour exprimer cette réalité-là. C'est pour exprimer cette réalité que il n'y a pas quelqu'un qui fait une action excepté qu'il a une intention derrière. Il dit, sauf que les intentions peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Elles peuvent être d'une différence tellement grande qu'elles sont aussi loin l'une de l'autre que le ciel est éloigné de la terre. Et il dit, comme par exemple, il y a des gens qui vont faire des œuvres et leurs œuvres sont au sommet, hein, dans les hauteurs dans la noblesse et dans le bien et dans la sincérité, dans la pureté. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui font des œuvres et il dit leurs intentions sont dans les dépotoirs, dans les égouts, hein, à cause de leur saleté et de leur bassesse. D'accord? Et il dit ensuite, حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملا واحدا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه في الحركات والسكنات والأقوال والأفعال وبينهما كما بين السماء والأرض كل ذلك باختلاف النية. Donc il dit, tu vas voir par exemple deux personnes qui sont un à côté de l'autre et ils sont tous, hein, en train de faire les actions en même temps. Ils commencent en même temps, ils terminent en même temps. Et pendant leurs actions, ils font les gestes et les pauses et les paroles et les gestes en même temps. Mais il y a entre les deux une différence aussi grande que la différence qu'il y a, l'écart qu'il y a entre les cieux et la terre. Tout ça à cause de la différence dans l'intention des deux personnes. Donc il dit, فَإِذَنْ الْأَسَاسُ أَنَّهُ مَا مِنْ عَمَلٍ بِلَا نِيَّةٍ. Donc ça c'est la base et c'est ça la cause dont le cheikh a parlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une œuvre que quelqu'un fait qui est accomplie sans intention. Donc ça c'est la base. Et il dit, وَنَتِيجَةُ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى إِنْ نَوَيْتَ اللَّهُ والدار الآخرة في أعمالك الشرعية حصل لك ذلك وإن نويت الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما قال عجلنا له ما نريد ما قال عجلنا له ما يريد قال بل قال ما نشاء أي لا ما يشاء هو لمن نريد يعني لكل لا لكل إنسان فقيد المعجل والمعجل له إذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا ومنهم من يعطى شيئا منه ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. وهذا معنى قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أما ومن يريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا بد أن ينجي هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة. Donc ici le cheikh il explique que, donc la base, on a dit, tous les êtres humains font ce qu'ils font avec une intention. Mais le résultat, c'est ce qui suit. C'est-à-dire, chacun aura selon ce pourquoi il a, hein, ce qu'il a fait, l'intention, pourquoi il a fait l'action qu'il a fait. Hein. Chacun aura la récompense de ce qu'il a eu comme intention par rapport à ce qu'il a eu comme intention. C'est ça la signification de la deuxième phrase. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais quelque chose et que ton intention dans cette chose, c'est Allah et la demain de l'au-delà, hein, dans toutes les œuvres que tu fais qui sont des œuvres reliées à la religion et l'adoration, alors tu vas obtenir, hein, tu vas obtenir ce que tu as eu comme intention, hein, et tu vas être récompensé pour ces œuvres-là. Tandis que si ton intention, c'était pas Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était pas la récompense de l'au-delà, et que tu avais comme intention uniquement d'obtenir de la dunya, eh bien là, à ce moment-là, c'est possible que tu l'obtiennes et c'est possible que tu ne l'obtiennes pas. Hein? Et le cheikh, il a cité le verset 18 dans sourate Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie quiconque désire la vie immédiate. Hein, la vie immédiate, la vie hein, d'ici-bas, immédiate, les biens de cette vie. Il dit, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Donc il dit le cheikh ici, hein, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous lui avons pas précipité ce qu'il veut, lui. Plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous lui donnons ce que nous voulons, hein, non pas ce qu'il veut, lui. Et à qui il veut, c'est-à-dire pas à toute personne, pas à tous les êtres humains, ou pas à toutes les personnes, non, uniquement à celui que Allah, à celui à qui Allah veut donner. Donc, il a limité la chose qui est donnée hâtivement, la chose qu'il a hâtée et pour qui il l'a hâtée. Et après, il dit, donc ça signifie quoi? Ça signifie que hein, celui à qui on donne ce qu'il veut de la dunya, c'est-à-dire il y a des personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner ce qu'il veut de la dunya, et il y en a d'autres qui vont en obtenir une portion ou une partie seulement, et il y en a d'autres qui vont ne rien recevoir. Il y en a qui vont recevoir ce qu'ils veulent de la dunya, d'autres qui vont recevoir seulement une partie de ce qu'ils veulent, et d'autres qui vont rien recevoir du tout. Donc ça, c'est la signification. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous leur hâtons, hein, dans cette vie immédiate, dans cette vie d'ici-bas, ce que nous voulons, à qui nous voulons. Il dit, et tandis que dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque cherche l'au-delà et fournisse les efforts nécessaires qui y mènent, tout en étant croyant, alors l'effort de ceux-là sera reconnu. Hein? Et il dit donc, il faut absolument que la personne, hein, cette personne-là, elle soit sauvée, hein, pour les actions qu'elle a voulu faire, qui étaient uniquement pour le visage d'Allah et pour l'au-delà. Donc il dit, قوله إنما الأعمال بالنيات هذه ميزان لكل عمل لكنه ميزان الباطن وقوله فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا ميزان للأعمال الظاهرة وهذان الحديثان يجمعان الدين كله لهذا قال أهل العلم هذان الحديثان يجمعان الدين كله. Ok, donc nous on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. Le cheikh il explique que le hadith, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la première phrase, hein, innama al-a'malu bin-niyyat, les œuvres ne valent que selon leurs intentions, ou les œuvres ne sont que par leurs intentions. C'est-à-dire que toute action que quelqu'un fait, hein, il l'a fait avec une intention. Ça, c'est ce hadith-là, le hadith au complet, c'est une référence ou une balance pour toutes les œuvres qu'on fait par rapport à notre intérieur, par rapport à ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes lorsqu'on fait les œuvres. Et l'autre hadith, qui est le hadith de Aïcha, radiallahu anha, par rapport aux actions, Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion, cet acte sera rejeté, cette action sera rejetée. Ça, c'est la référence pour les actions apparentes. Donc, c'est-à-dire par rapport à l'action. Quelqu'un pourrait dire, par exemple, lorsqu'il fait des innovations ou lorsqu'il fait des choses haram, quelqu'un pourrait dire, oui, mais j'ai une bonne intention. Hein? Donc, je vais être récompensé. Non, ce n'est pas suffisant d'avoir la bonne intention. Il faut non seulement avoir la bonne intention, mais il faut aussi que l'action en soi soit une action qui est en accord avec la religion. Si l'action n'est pas en accord avec la religion, même si l'intention est bonne, l'action ne sera pas acceptée. Donc ça, c'est ce que le cheikh ici explique, que c'est que les ulama ont dit que ces deux hadiths-là, ensemble, innamal amal bin niyat et man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, ces deux hadiths, ils réunissent toute la religion en entier. D'accord? Et c'est les hadiths qui sont mentionnés également dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. C'est des hadiths très importants. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours pour cette explication. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous garde et nous préserve. Et au prochain cours, le cheikh, il rentre dans l'explication de la hijra et des significations de la hijra et des conditions de la hijra. Donc c'est un sujet très important. Donc le cours numéro 2 sera très très intéressant. On va parler de ça en détail. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.